C'est bon. Ouais, on c'est entend, bon. Ouais, on entend. Moi, je t'entends. Ok, ben ça va. Ouais, ouais. Bon, je vais laisser ça. Je m'en occuperai pendant le. J'ai découvert Anthony Rotter. C'est ça, là, c'est vachement bien. Ouais. C'est un Allemand. Yes. Ah, il faut parler dans le micro, du coup, quand on parle. Ouais. Ok, ça marche. 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc, je pense dans quelques secondes. On voit ma clé ou pas? Oui, oui. Ouais, ok. Ce sont les entretiens de Grenoble, je ne sais plus quel numéro. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Léonard Lampion. Bonjour. Est-ce qu'on on t'appelle Léonard Lampion ou on peut t'appeler par ton vrai prénom? On peut m'appeler par mon vrai prénom, ouais, tu peux y aller. Pierre, donc. Bonsoir. Bonsoir, on a un peu préparé une émission, je sais pas, peut-être toi pas trop, moi un petit peu. Un petit peu. Sur le thème, la relation entre musique et science. Bon, comme d'habitude, c'est un thème très large qui sera à peine effleuré au cours de cette émission. Voilà, c'est juste effleuré, mais peut-être effleuré largement. Effleuré largement, sur une grande largeur. Ouais, c'est... Possiblement, oui, de toute façon, ouais. En tout cas, ce ne sera pas abordé de manière profonde et... En tout cas, moi, je ne suis pas un spécialiste. De quoi? De la science? De la musique. Musique. Ah bon, quand même, un peu. Donc, pour lancer cette émission, je vais... donc là, on écoute Anthony Rotter, qui, finalement, a un peu un lien avec science et musique, puisque... Bon, on en parlera plus tard, mais c'est plutôt musique et technologie, on va dire. Enfin, tout ce courant électro qui, quand même, est bien un lien assez fort avec, on va dire, la science, la technologie. Mais bon, la technique, peut-être. La technique. À voir. À débattre. À débattre. Donc là, un morceau qui n'a rien à voir, qui s'appelle Music Scientist, c'est Conrad. Voilà. À tout de suite. Start again. Music scientist coming from the future to bring you this. Music scientist analyze all the times to get this. Get this evil pleasure on the TV news. Satisfaction guaranteed. Building up those evil needs. Music scientist coming from the future to bring you this. Music scientist analyze all the times to get this. Get this. Music scientist only sees the facts. Be the best, forget the rest. Seems quite cracked. Music scientist only sees the facts. Be the best, forget the rest. It seems quite cracked. Sad just the other day. Music scientist coming from the future to bring you this. Music scientist analyze all the time to get this. Bon, alors comme on s'occupait de tes morceaux, t'as pas eu le temps d'écouter le morceau qui vient de passer, parce qu'il y avait plusieurs... Ah bon. Donc c'était quoi les paroles? Est-ce que t'as retenu certaines paroles qu'il a dit? I was very funny, I was... Non, pas du tout. Donc il dit plusieurs choses vraies, enfin disons que c'est un morceau assez bizarre, puisqu'on sait pas trop de quoi il parle. Donc un scientifique de la musique qui viendrait du futur pour nous to get this, donc on sait pas ce que c'est this. Bon, enfin j'ai pas compris ce morceau. Donc sa musique. This. Ouais, tout. Alors on peut leur mettre peut-être un bout. Enfin vite fait. Bref. Et qui non, on va pas leur mettre, c'est chiant. Enfin donc c'est un personnage donc analyse tout le temps. Et qui est donc obsédé par les faits. Voilà. Donc c'est quand même une bonne définition scientifique dans le sens science dure. Enfin le fait physique, on va dire. Science dure, science physique, mathématiques. Bref. Enfin bon, moi je suis un peu contre la définition science dure, science molle. Moi aussi. C'était science dure, je le mets entre guillemets. Dans l'acception commune, même si j'aime pas ça. Voilà. Ok. Après les faits, donc c'est une autre question. Est-ce que je te pose, ça a pas du tout de rapport avec la musique, mais est-ce que tu considères qu'un fait social peut être considéré de la même manière qu'un fait physique? Eh ben, grande vaste question. Mais comme je suis pas sociologue, j'aurais peut-être un peu du mal à répondre sur le deuxième volet. Ok. Non, bah très bien. C'est non. Je la pose aux auditeurs. Voilà, si vous avez des éléments de réponse. Est-ce que Pat 28 a une réponse? Je sais pas s'il est là, Pat 28. Alors donc musique, science, on va. Je me permets de mener le débat. Je t'en prie. On va donc. On a eu quand même dans nos réflexions une convergence, c'est-à-dire tout de suite on pense à l'électro. On associe musique et science. Alors. Peut-être aujourd'hui, dans notre milieu aussi. Oui. Parce que, en fait, finalement, j'y réfléchissais. Et puis, il y a le côté, par exemple, dans les années, fin des années 70, début, enfin plutôt 80, le Space Disco, par exemple. Où, tu vois, la disco avec ce côté roquette, on va vers la Lune, vers Mars. Ouais. C'est le futur aussi, tu vois. On a aussi dans l'électro, par exemple, avec CN. A aussi dans l'électro, mais c'est vrai qu'il y avait un côté quand même très. Très poussé vers le... Mais, en fait, ça a été repris aussi dans l'électro, tout le côté robotique aussi. Le « je suis un robot », etc. Mm. Et qui, bon, précédemment aussi, elle était avec Kraftwerk, le côté robotique. Mais comme je disais tout à l'heure, c'était peut-être un... Mais après, c'est seulement une utilisation, c'est un univers. Enfin, ça se veut un univers scientifique. Ça utilise des mots ou des codes. Des codes, mais finalement, c'est... Pour moi, c'est quand même aussi très relié à tout ce qui est technique, ce que je te disais tout à l'heure. En fait, où on associe le scientifique avec un grand technicien, en fait, qui fait des fusées, qui fait des robots, qui fait... Alors, tu ne crois pas que c'est l'ingénieur, plutôt? Ou peut-être même l'ingénieur, ouais. Mais du coup, le côté très technique, en fait. Ouais. Tu vois, l'ordinateur. Et voilà. Et pas... Je ne sais pas, cette image du scientifique fou, bon, peut-être on l'a un petit peu moins, tu vois. Alors... Qu'est-ce que tu as pris comme morceau qui... Toi, tu as fait des sortes de catégories de... Oui, non, mais ça, c'était de, pour de moi. Rapport, ouais, bon. Alors donc, science, non, ouais, je sais pas. Par exemple, ceci... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, déjà? Ensuite, on parle de... Ouais, moi, je voulais mettre... alors, ils sont où, les morceaux? Bah, ils sont là. Hein, ouais, et ben par exemple, on peut mettre Cool Daboli, Yuri Gagarin. Ouais. Tu vois, donc là, ça allie exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Ok. Allez, on écoute ça, à tout de suite. Et on en reparle après. We'll be right back. Ça sature un peu. Merci. Radio amateur. Là, on est en train d'écouter Doppler Effect Cellular Automata. Automate cellulaire. Donc, on va revenir sur le morceau d'avant. Donc, c'était Cool d'Aboli. Cool d'Aboli, ouais. Et le morceau Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Donc, vas-y. Ce morceau. Ouais, donc toi, contient. Il contient les éléments dont on parlait tout à l'heure de ce rapport à la science qui est en fait un peu une image de la technique qu'on utilise. C'est une vision une vision un peu du futur, disons, une projection vers des robots, vers une intelligence pas forcément artificielle, mais peut-être. Mais alors là, ce qui est marrant, c'est que le morceau s'appelle Yuri Gagarin. Voilà, en fait, c'est rétro-futuriste. C'est finalement. Ouais, et finalement rétro-futuriste parce que ça reprend aussi les codes du space disco. Avec ces lignes de basse de synthé, ouais. ce lead un petit peu séquencé. Je veux dire, c'était vraiment pour moi, à part le beat qui était très électro, on reprend et on met un peu une batterie type disco, et ben on est dans le space disco. En plus, il y a cette voix vocodée. Vocodée, ouais. Voilà, donc là, c'est très rétro-futur. Et finalement, pour moi, l'électro, c'est. C'est aussi rétro-futur. C'est rétro-futur, en fait. C'est une idée du futur, ouais. Bon, c'est une idée du futur d'avant. C'est ça qui est marrant. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que maintenant, le futur, c'est peut-être ce que je te disais. C'est ce qui donne ce charme à l'électro, quand même. Et ouais. En fait. Et puis, le côté synthé analogique. Conservatisme. Qui est quand même le passé, finalement. Aujourd'hui, on fait de la musique avec des VST sur ordinateur, et puis on utilise de l'autotune. Des VST qui émule les synthés analogiques. Ouais, tout à fait, ouais. Et ensuite, donc, c'était Cellular Automata, donc de Doppler Effect. C'est là où ce que je voulais te dire. Donc, Doppler Effect, je pense qu'il va un niveau plus loin, ce que je disais hors antenne, c'est-à-dire que, en gros, il va un niveau plus loin dans l'utilisation de la science, c'est-à-dire qu'il fait référence à des trucs quand même un petit peu plus précis, ou voilà, même si, enfin, du moins, moins. C'est pas juste robot, science, l'espace, ou je sais pas quoi. Ouais. Mais qui n'ont aucun rapport, enfin qui n'ont qu'un rôle symbolique en fait, ou je sais pas comment dire, représentatif, ou voilà, image pictural. Pictural, ouais. Voilà. Et qui n'ont aucun lien donc avec la musique, c'est pas le procédé pour faire la musique. Quoi. Non. Voilà. Et c'est toujours cette référence à quelque chose finalement qui est. Très imaginaire, qui est très qui est non tangible, le côté voilà, on parle de cellules là, même le nom Doppler Effect, bon, l'effet Doppler, est-ce que vraiment on parle de cellules, c'est automate cellulaire, c'est un processus une manière de faire de la simulation, c'est un truc de simulation, voilà. Ok, donc c'est ok, très bien, genre les éléments finis, genre de truc. Ouais, enfin c'est je sais plus, c'est basé sur l'aléatoire aussi. Ok. Mais du coup, ça fait référence à des concepts très précis, très pointus, qui sont pour le grand public complètement imaginaires en fait. Ça mystifie complètement. Ouais. Voilà. Exactement, c'est le mot et le côté mystification est hyper important, je pense, dans tous ces synthés très aériens. Là, ces voix hyper. Hyper éthéré, on est vraiment dans le côté mystique en fait, que la science apporte, ouais, tout à fait, je suis d'accord. Que la science apporte, enfin la science qui n'est pas compréhensible en fait. Ouais. Enfin, c'est le côté éloigné. Exactement, ouais, on va donner des concepts donne mathématiques, côté, voilà. des concepts biologiques ou de simulation numérique, de concepts physiques qui sont très très compliqués à comprendre. Pour le tout venant, oui. Mais qui ont quand même une force d'évocation, évocatoire. Et oui. Yes. Bon, on a bien débroussaillé le sujet. On va mettre un morceau à toi. Voilà. Qui s'appelle Polaron Model. Exactement. Mais Alors, qu'est-ce qu'il évoque ? Ah ouais, fais pas le malin maintenant. Ah ouais, bah non, parce que j'ai établi. T'as bossé un peu ? Ah ouais, j'ai bossé, j'ai révisé le truc. Alors avant de dire ce que c'est, parce que toi t'as fait un album où il y a quand même. Ouais. plusieurs... toi, tu as utilisé finalement, alors c'est ça qui est marrant, toi tu es scientifique et tu as utilisé finalement ce pouvoir évocateur des non-scientifiques. Ouais. Mais sans vraiment le vouloir, à l'époque je le... Sans vraiment le vouloir. Je l'avais pas vraiment conceptualisé. D'accord. C'est pas vraiment un concept. Hein, mais... t'écoutes beaucoup d'électro, tu sais que ça se fait, et tout ça quoi. Mais bon. C'est ça. Mais c'était ça te semblait naturel. C'était pas forcément naturel, mais ça me semblait. En fait, moi surtout, pourquoi je l'ai fait, c'est parce que c'était vers la fin de ma thèse. Et quand j'étais là-dedans, c'était aussi une manière de cristalliser ce moment de fin de thèse et de voilà. Je comprends. Tous ces morceaux que j'avais écrits au fur et à mesure, qui m'ont influencé, qui étaient influencés par mon travail aussi, quoi. Ouais. D'accord. D'une manière ou d'une autre. On écoute Allez, un peu ça. C'est parti. Paul Aron, modèle. Modèle du Polaron, est-ce que tu peux nous exprimer, expliquer brièvement et de manière la claire, plus vulgarisée possible? Je vais essayer. Ce que c'est. Alors, un polaron, c'est dans la théorie des semi-conducteurs. Donc, quoi What? Un semi-conducteur, donc c'est... Donc tout le monde connaît les conducteurs, les métaux, voilà. Donc il y a du courant qui passe, des électrons qui bougent. Dans un semi-conducteur, pour que, comme son nom l'indique, il n'est pas vraiment conducteur, mais il l'est quand même. Et pour que le courant passe, et donc pour que les électrons puissent passer dans le... pour que les électrons puissent passer dans le dans ce matériau, il faut appliquer en général une certaine tension. En fait, il se comporte pas complètement de manière linéaire. Donc en gros, quand on met une tension, brièvement, hein, j'avais dit. Mais... Ouais, c'est vrai. Mais tu m'as déconcentré avec ton morceau, c'est pour ça. Eh ouais. Désolé. On Et peut l'écouter si tu veux, Pierrot. Bon bref. Du coup, pour que il y ait du courant, il faut qu'il y ait des électrons qui bougent. Mais pour que des électrons ils bougent, en fait, il faut qu'il y ait de la place, et c'est ce qu'en général on appelle un trou. Donc c'est des paires électrons-trous, pour que ça puisse bouger. Il faut que les deux soient là. Et alors le polaron, c'est quand l'électron et le trou, en gros, sont liés par une force énergétique, et il faut appliquer une force pour qu'ils puissent se libérer, et qu'ensuite le courant puisse passer. Parce qu'en fait les trous ils vont d'un côté, et les électrons ils vont de l'autre. C'est comme ça que le courant il passe, en fait. Toujours c'est en équilibre. Propre à tous les semi-conducteurs ou certains semi-conducteurs? Alors le polaron, c'est dans certains semi-conducteurs, par exemple dans donc le silicium. Il y a besoin d'une énergie plus grande pour qu'il y ait un courant qui passe que les semi-conducteurs dans lequel il n'y a pas de polaron. Ouais, alors par exemple dans le silicium, il n'y a pas de polaron parce qu'en fait le trou et l'électron ils se séparent directement. Okay. Alors que dans des semi-conducteurs organiques par exemple ou d'autres semi-conducteurs un peu différent, et ben il y a cet état intermédiaire où l'électron est lié fortement et il faut pouvoir le libérer, sinon il n'y a pas de courant et puis ça marche pas. D'accord. Et voilà. Ok. Donc le modèle du polaron, c'est le modèle qui explique que c'est un état transitoire, voilà. C'est un modèle énergétique, tout à fait, qui est un modèle d'un état transitoire au sein du semi-conducteur, typiquement organique, et qui permet d'expliquer ensuite pourquoi on réussit à avoir des photodiodes, par exemple, ou des transistors, ou voilà. Ça explique ensuite le déplacement de ces charges au sein du semi-conducteur. Ok. Et voilà. Merci. Donc, tu avais un morceau aussi qui s'appelait Shelf Life. Ouais. Qu'on peut se mettre. Hop là. Ouais. Et après on en parle. Enfin, ouais. Il y aura deux morceaux et j'expliquerai pourquoi il y a ces deux morceaux et voilà. Donc tout ça Allez. C'est sur le même album que j'ai sorti. Ah oui, un petit 3 peu ans. De promo sur promo, Abstract Reality. Sur Abstract Reality. Voilà. Yes. Allez, à tout de suite. Rassuré, j'ai nettoyé le micro. Hein. Voilà. Ah cool, c'est COVID, COVID safe. Parce que j'ai pas mis mon masque en plus. Ouais, quand donc, tu parles près, il faut parler près. On nettoiera après. Hein. Ouais, alors on a mis ton morceau avant Shelf Life. Oui. Qui apparemment signifie durée de conservation. Ouais, en fait, après durée un petit débat parce que... Durée sur l'étagère. Ouais. Et ma thèse c'était quand même sur le vieillissement des photodiodes, Yannick. Ah ouais, bon bah voilà. Et du coup, paf, on est ouais. dedans. Ouais, on est dedans. Durée de conservation, durée de vie. Ouais. Et tutti quanti. Et voilà. Et ensuite, donc, il y a là, ce morceau là qu'on vient d'écouter, ça s'appelle aussi Shelf Life. C'est de Melody. Sur une compilation crème sortie il y a quelques années. Voilà. Alors, on va. Donc il est moins il est 38. Toi tu voulais mettre un dernier morceau parce qu'on va un petit peu changer de sujet là parce qu'on a partait sur un autre versant du rapport entre musique et science. C'est quand même notre thème aujourd'hui. Oui, c'était à peine dévoilé. Finir donc on a vu quand même quelques morceaux de avec une connotation un peu scientifique, mais en fait il y a aussi beaucoup d'artistes, beaucoup de labels qui reprennent notamment ce terme science. Alors j'ai fait une petite recherche sur Discogs juste pour le fun. Tu tapes science et tu tombes. Je crois que c'est même. Donc c'est surtout des labels finalement. Ben pas forcément. C'est des labels, des gens, des morceaux et tu tombes sur une. Je crois que c'est 40 000 résultats, un truc comme ça. Donc là encore, toujours pour le pouvoir évocateur du terme science. Du terme science, donc là... Il n'y a jamais de lien direct avec quelque chose par de exemple, scientifique. Par exemple, là en tête, j'ai le label Natural Science. Mm-hmm. Alors, déjà, même le logo, c'est un dauphin. Ouais. Ok. Donc le morceau, là, c'est... celui d'après, ça sera de Minor Science. Ouais. C'est pareil. La science, là-dedans... Mais... Il y a le côté science mineure en même sa temps, musique est très influencée IDM, breakbeat, le côté un peu mathématique peut-être, geek, côté geek, computing, voilà tout ce qui est un peu à la pointe de la technologie peut-être, de pas un peu comme les le math rock où on va faire des choses structures voilà non binaires où on va alterner des mesures ternaires en 5, 8, c'est vrai, le math rock, j'avais pas pensé. Ouais, bien sûr. Ah, merci, bravo. Ah, voilà. Et donc, le côté breakbeat électro aussi fait partie un peu de cet univers-là, finalement, où on essaie de pas avoir quelque chose de trop simple, mais pas trop compliqué non plus, il faut pas abuser. Ouais, ça dépend. Et voilà. Breakbeat, qu'est-ce qu'il y a comme. Il n'y a pas d'autres termes là pour les trucs. Il y a des trucs nouveaux là, très, très breakés, très, très déconstruits. Non, il n'y a pas un nouveau terme. Ouais, IDM. Ouais, déconstruit, ouais, c'est le déconstruit, mot. Déconstruit, ouais. Alors moi j'ai entendu il n'y a pas longtemps post-club, mais. Ah, post-club. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Ah, pas mal, ouais. Pas mal. Ouais. Je sais pas si c'est ce que t'écoutes en after ou c'était. Voilà. Non, c'est non, non, c'est des gens qu'on en marre du club, non, c'est pas ça. C'est... Je saurais pas. Te dire. Non, c'est pas l'after. Hein, je crois parce que non, non, mais c'était une blague. Mais c'était plus le côté. En fait, moi, j'ai de ce que j'ai entendu, c'était de l'électronica. Alors bon. Ah. Peut-être que c'est ah, trop vague. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Alors, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ce thème est vraiment très vaste, infini. Non, mais on est peut-être pas obligé de mettre le. Il est déjà 18h40. Ah, mais si, si, si. Bon. Il est pas long. On le met pas en entier. On met pas en entier. Allez, c'est parti. Minor Science. Je crois que c'est sur Wheaties. Quoi? Le label Wheaties. Ah, c'est pas la Minor Science, le ah non, label. Non, non, c'est l'artiste Minor Science. Ah, d'accord. Qui est okay. Sorti des EP sur Trilogy Tapes, etc. Ok, merci. Ouais, super morceau là que t'as mis là. Enfin, j'aime beaucoup. Là, comme ça. Minor Science. Sur White Tees. White Tees, ouais. Non pas que... Minor Threat. Donc là, on passe un petit peu vers. On va. Donc là, on a plutôt parlé des musiques électroniques. On passe sur le versant, on va dire savant entre guillemets. Chercheur. Alors, donc là, on va plutôt parler de morceaux ou d'un ensemble du corps musical, donc qui rassemble en fait c'est des chercheurs ou des musicologues ou je sais pas comment on dit qui font de la musique. Donc c'est donc un groupe de gens. Par exemple, on pense au GRM en France ou alors dans certaines facs anglo-saxonnes qui, en gros, font de la recherche sur la musique. Et qui pratiquent. Et qui pratiquent la musique et qui ont une approche, du coup, scientifique, spectrale de la musique et qui, eux, mettent, du coup, vraiment en place des processus pour fabriquer un certain type de son ou de voilà, donc c'est tout le courant électro-acoustique finalement. Voilà, donc c'est assez général hein, ce que je dis, mais on a quand même trouvé donc par exemple on peut nommer François Bayle, Gérard Risset pour la France. Là j'ai quelques CD, par exemple un autre français qui s'appelle Daniel Arfib. Qui lui, alors je me rappelle plus, il est passé par l'IMAG à Grenoble, qui est vraiment un chercheur, quoi, qui a fait un CD, qui a pas fait un CD du tout, qui a fait un disque qui s'appelait Musique numérique. Et oui, quelle année Dans les années 80, je crois. Voilà, donc par exemple, ses œuvres ont été réalisées au laboratoire de mécanique et d'acoustique du CNRS de Marseille. Voilà, donc des acousticiens. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment, le point d'intersection entre science et musique, j'ai envie de dire. Et finalement, qui est très en opposition avec les morceaux d'avant, où finalement, ce qu'on disait en off, c'est que le processus musical pour ces morceaux dits orientés vers la science était finalement... Issu de la science, du coup. Ouais, mais les morceaux d'électro, etc. Pardon. Où sont finalement complètement un processus classique de création non contrôlé mathématiquement ou voilà, c'est des a priori ouais. Alors que il y a quand même des techniques et une maîtrise technologique, une maîtrise des machines, une maîtrise de la technique. Ouais, mais c'est pas un processus. C'est pas un processus scientifique. De développement ou de scientifique ou de création. De création, par exemple, d'un son à partir de théorie, à partir de simulation ou de modèle, en fait. Ouais. Alors que là, on est sur justement ces noms que tu viens de citer, un côté vraiment recherche, de chercheurs qui font de la musique. Et donc, d'une manière inversée par rapport à avant, où finalement la science était utilisée de manière évocatrice. Pour un peu mystifier ou donner une connotation scientifique futuriste à la musique. Là, donc, quand c'est vraiment des scientifiques qui font de la musique, on a le mouvement inverse où finalement, merci de me laisser dire cette idée, où finalement les titres des morceaux sont plutôt poétiques, donc totalement évocateurs de quelque chose qui n'est pas scientifique. Voilà. Donc on peut noter assez drôle, ouais. Alors, je sais pas si c'est le. Ouais, tu peux y aller. Alors, c'est le meilleur moment, mais si c'est le meilleur. Alors, là, on a par exemple La fin du bruit. Voilà, pour François Bayle, les morceaux s'appellent La fin du bruit, Héros bleu, Toupie dans le ciel, Héros noir. Alors, c'est très, très poétique, très. Et très lyrique. Et ensuite, par exemple, pour Daniel Arfib, on a Voyelle d'éveil, Le souffle du doux, L'approche de la lumière. Voilà, donc des choses très poétiques. Poétiques. Presque un peu pro-éthique, je ne sais pas si c'est pro-éthique. Bien sûr, je pense que la musique est-elle pro-éthique. Musique et éthique. Aïe, merci, c'est bon, c'est le sujet de la semaine prochaine. Ah bah de rien. Ouais. Voilà, donc c'est assez marrant. Donc on peut écouter en guise d'illustration le morceau de Daniel Arfib, Voyelle d'éveil. Voilà. On l'écoute pas en entier, mais on se retrouve tout à l'heure. Thank you. Ce que c'est. Donc on a très peu de détails finalement sur le processus. Voilà. Donc c'est un ordinateur, c'est pour ça que c'est numérique, ok. Et l'ordinateur a permis de calculer à partir de définitions manuscrites des ensembles sonores, l'onde électrique, leur correspondant. Voilà, une synthèse numérique. Et je crois que c'est un soft qu'il a fait lui-même pour peut-être synthétiser. Synthétiser, ouais. Bon, voilà. Bon, c'est assez... c'est de la recherche. C'est de la recherche, ouais. Très bien. Donc, c'était ce beau parallèle inversé. Alors, comment dire, cette belle symétrie centrale, ouais, qu'on a effectuée avec l'électro d'un côté et la musique de recherche, on va dire, de l'autre, et les titres. Donc, ouais, aussi dans la... Donc, finalement... dans le dos de l'album, il y a une assez petite partie scientifique et ensuite il y a une grosse partie où il explique comment il a choisi les titres. Donc par exemple là, l'éveil et la forme printanière, l'inconscience, clairvoyant de l'enfance, couleur et générosité. Voilà. Donc il est beaucoup moins disert quand il s'agit d'expliquer les titres que le processus. Bon, peut-être qu'il voulait peut-être pas trop parce qu'il avait peut-être pas trop compris. Il voulait rendre ça attractif. Attractif, j'imagine. Et laisser une part de mystère, comme on disait au début. Voilà. Pour appâter le chaland. Le chaland en manque de science et d'histoire. Ouais, peut-être bien. Voilà. Donc j'avais prévu un autre morceau, mais il est un peu tard. Peut-être qu'on va finir avec quelque chose qui rassemblerait tout ça. Alors, quelque chose qui rassemblerait tout ça. Par exemple, un scientifique qui fait de la musique, tu vois, tout en s'embarrassant pas de d'évocation poétique, mais en même temps ne surjouant pas le côté scientifique. Et ben justement, là j'ai un très bon exemple pour ça. Rien que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Bo Vanzer. Ah. Et ouais. Je me suis trompé. Tu t'es trompé. Mais effectivement, on aurait pu mettre aussi Régis Victor. Alors lui, c'est un scientifique. Ah ouais, Bo Vanzer, donc c'est un Américain qui est microbiologiste ou biologiste cellulaire. Biologiste cellulaire. Et en fait, alors ses noms et ses évocations sont jamais liées à la science. Non, alors là, très bien. C'est le boulot et c'est la musique. Super. Eh ben on va se quitter là-dessus. Voilà. Je te remercie Pierre d'avoir accepté cette invitation. Eh ben merci de te réinviter. Ouais. Un de ces quatre pour un thème sur lequel nous serons peu disert. Merci à Pinode, merci à tous de l'écoute et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.